Chapitre 2e. De l'autre côté de la route, derrière un rempart de vieux ormes, s'élevait Brookfield, rousse sous son manteau tonal de plantes grimpantes. Un groupe de bâtiments du XVIIIe siècle autour d'une cour rectangulaire et au-delà, des acres de terrain de jeu, puis enfin, le petit village qui en dépendait et la vaste lande marécageuse. Ainsi que l'avait dit Weatherby, Brookfield était un établissement qui remontait loin. Fondé comme école secondaire sous le règne d'Élisabeth, il aurait pu, avec plus de chance, devenir aussi fameux que Harrow, mais il n'avait pas été aussi favorisé. L'école avait eu des hauts et des bas, tombant presque à rien à une époque, devenant presque célèbre à une autre. Ce n'en était pas moins une bonne école de second ordre. Nombre de familles notables la patronnaient, il fournissait de beaux spécimens d'hommes jouant un rôle dans l'histoire. Juges, membres du Parlement, administrateurs des colonies, quelques pairs et quelques évêques. Néanmoins, il en sortait surtout des industriels, des membres des professions libérales, avec une bonne proportion de hobereaux et de pasteurs. C'était ce genre d'école dont le nom, quand on le prononçait, faisait parfois avouer aux gens un peu snobs qu'ils croyaient en avoir entendu parler. Mais si Brookfield n'avait pas été un établissement de ce genre, il n'aurait probablement pas accueilli Chips, car celui-ci, ni au point de vue social ni au sens universitaire, s'il était aussi respectable, n'était pas plus brillant que Brookfield lui-même. Il lui avait fallu un certain temps au début pour s'en rendre compte, non qu'il fût vantard ou vaniteux, mais à 20 ans il avait été tout aussi ambitieux que la plupart des jeunes gens à cet âge. Son rêve avait été de devenir peut-être directeur ou, en tout cas, professeur principal dans une école vraiment de premier ordre. Ce ne fut que peu à peu, après des tentatives et des échecs répétés, qu'il comprit que ses titres étaient insuffisants. Son grade universitaire, par exemple, n'était pas extrêmement élevé, et si sa discipline était assez bonne et allait en s'améliorant, on ne pouvait pas absolument compter dessus dans toutes les circonstances. Il n'avait aucune ressource personnelle et aucune relation de famille capable de lui venir en aide. Vers 1880, au bout de 10 ans passés à Brookfield, il commença à se rendre compte qu'il n'avait pas la moindre chance de pouvoir améliorer sa situation en cherchant un autre poste. Mais vers cette époque également, la possibilité de rester où il était commença à lui plaire et le rassurer. À 40 ans, il avait pris racine, était fixé et parfaitement heureux. À 50, il était le doyen du personnel. À 60, sous les ordres d'un nouveau et jeune directeur, il incarnait Brookfield. Il était l'hôte d'honneur des dîners d'anciens élèves, le juge sans appel dans toutes les questions qui touchaient Brookfield, son histoire et ses traditions. En 1913, quand il eut ses 65 ans, il prit sa retraite, on lui offrit un chèque, un bureau et une pendule, et il traversa la route pour aller habiter chez Madame Wickett. Carrière honorable qui se terminait bien. « 3 hurrahs pour le vieux Chips !» s'écrièrent tous les convives au bruyant dîner de fin de semestre.